pour la partie non enregistrée, je raconterai quelques anecdotes qui montrent qu'il y a une très grande continuité sur certains points anecdotiques, mais je les garde pour après. Et bon, d'abord, merci beaucoup et je suis très, très à la fois impressionnée et je vais montrer, et tout ce que je vais vous dire était préécrit sur ma petite fiche, mais qui a énormément en fait, de résonance et une forme de continuité. Et donc, c'est des choses que j'ai pu lire et on a beaucoup, on s'est beaucoup inspiré aussi beaucoup des débats que vous avez pu tenir et des travaux dans un certain nombre de chantiers qu'on a menés. Mais je n'avais jamais eu la chance de vous entendre le raconter. Et d'une certaine manière, même si je suis née juste après que vous quittiez le ministère. Ce n'est pas vrai. Hein. Et voilà. Et bien, je trouve qu'il y a eu en fait beaucoup de résonance alors que le contexte à la fois politique. Général et j'allais dire économique était nul ne le contredira très différent quand j'ai pris mes fonctions juste après le premier confinement Covid donc en juillet 2020 et les années 80-84 et donc voilà je vais revenir sur quelques éléments et je vous raconterai après ma nomination c'est ça passe pas par un bistrot Place de la République mais il y a quelques éléments assez assez étonnants. La première chose que je voulais vous dire, moi, c'est qu'au fond, alors j'ai pris plutôt une perspective, d'abord pour commencer, plutôt européenne et internationale, un peu parce qu'aussi aujourd'hui j'ai un rôle à l'OCDE, et aussi parce que moi j'arrivais du ministère des Affaires européennes quand j'ai été nommée à la fonction publique. La première chose, c'est de dire que la France, parce que vous l'avez rappelé, le contexte historique et un certain nombre de décisions au fond très politiques, est un pays très particulier. Et je crois, et je l'ai vu parce que j'ai eu aussi la charge d'animer la présidence française de l'Union européenne en tant que ministre de la fonction publique, nous sommes un pays où le ministre de la fonction publique, quand il existe, n'a aucun homologue comparable. On est un pays très particulier parce qu'effectivement, on a ce statut qui est, je crois, très unique et je n'ai jamais rencontré de ministres qui avaient une charge et une responsabilité comparables parce que le statut tel qu'il est n'existait pas. Je notais d'ailleurs que le fait qu'il y ait trois versants État, hôpital et territoriaux est absolument unique. Et donc ce que vous avez créé par votre statut fédérateur n'a aucun équivalent. Et je notais aussi, et c'est le choix que vous avez fait, c'est qu'il est aussi inédit parce qu'il ne met pas en avant les métiers. Et donc le statut de carrière est une très grande spécificité française parce que ceux qui ont des cadres d'emploi ou des règles communes sont en fait des règles de métier. Donc ça, c'est, je crois, un premier point qu'il faut bien avoir en tête et qui rend du coup ce rôle, effectivement, et ça mérite du coup tout à fait, je pense, un séminaire parce qu'on est très bizarre d'une certaine manière. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que du fait de ce statut, le ministre de la fonction publique, et c'est peut-être... Ça a succédé, je crois, aux années, est devenu un ministre qui avait une charge très lourde, c'est qu'il était en charge d'un nombre. Et le fait que, parce qu'on a un statut, on puisse compter le nombre d'agents publics et de fonctionnaires, est un débat qui n'existe nulle part ailleurs. Une anecdote, au moment des grandes réformes, notamment sur la haute fonction publique que j'ai eu à mener, j'ai souhaité comprendre ce qui se passait au Royaume-Uni, où, je le souligne, le ministre de l'équivalent de fonction publique est situé, un peu comme vous l'étiez à votre époque, très proche du Premier ministre, puisque c'est le cabinet office qui gère ces questions. Et donc j'ai été voir les think tanks et les décideurs britanniques, et on a commencé par, au fond, l'obsession française, qui pour moi est un débat absolument stérile, sur le nombre de fonctionnaires. Ça, je l'ai dit publiquement plusieurs fois, je pense que c'est une fainéantise de la pensée et une très grande impasse que de s'intéresser uniquement au nom. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que l'interlocuteur britannique me dit « Alors nous, on a 150 000 fonctionnaires. » Alors je lui dis « Ça, c'est quand même pas beaucoup. Hein. » Et alors je lui dis « Mais vous qui comptez quoi ?» Il me dit « Ah bah, je compte que Londres. Enfin, en gros, que les ministères. » Alors je lui dis « Mais est-ce que vous comptez les policiers ?» Bien sûr que non. « Est-ce que vous comptez les professeurs ?» Bien sûr que non. Et alors, en fait, je lui ai fait faire la liste mentale de tous les métiers publics qui étaient contenus de facto dans nos 5,6 millions d'agents publics aujourd'hui. Et en fait, on est arrivé à peu près 6 millions. Mais c'est un chiffre qui, en fait, n'est jamais calculé. Et il me disait, ah oui, c'est sûr que si je me présentais, c'est le responsable C'était un think tank qui parlait ça. Il dit, ah oui, c'est sûr que si nous, au Parlement britannique, on se disait que l'État paye 6 millions de gens, ce serait un scandale. Je dis, bah oui, c'est bien tout le problème. C'est qu'en fait, de facto, ils sont payés, de facto, ils agissent, mais ce n'est pas une obsession, ni du côté du Labour qui en fait une revendication, ni du côté de la droite qui en ferait un tabou. Donc ça rend aussi le rôle du ministre de la fonction publique très particulier. Et c'est parfois, moi je pense que c'est un débat stérile, le fameux 1 sur 2, je pense que ça a amené énormément de, j'en reparlerai, de difficultés politiques. Mais ça, c'est un autre point particulier. Troisième élément particulier du rôle, c'est le dialogue social formalisé et codifié. J'ai eu, et je tiens à saluer certains d'entre vous ici, la très grande responsabilité, et pour moi la grande fierté et la grande chance, d'avoir à réformer le cadre de négociation. Parce que je disais souvent aux syndicats, il est un peu absurde qu'au fond la négociation dans ce pays, quand il s'agit des fonctionnaires, se termine toujours sur mon bureau. Et je ne peux pas, par définition, conduire le dialogue social de l'ensemble des agents publics depuis mon bureau, parce que si je le fais depuis mon bureau, il y a beaucoup de choses que je vais faire mal, ou que je vais faire de manière décalée, ou que je vais faire de manière un peu artificielle. Et donc on a rénové à la majorité, c'était absolument nécessaire, le cadre de négociation sociale pour qu'il soit un peu plus décentralisé et un peu plus ancré dans les réalités soit territoriales, soit des ministères, et qu'au fond, il n'y ait pas le monopole du dialogue social. Donc il y a des choses qui restent évidemment à la main du ministre. Le ministre co-signe beaucoup de choses, mais on a quand même redonné beaucoup de capacités, au fond, de mise en œuvre et d'adaptation au terrain. Mais ça, quand je suis arrivée au ministère, ce n'était pas le cas. Et donc, ce qui nous rend aussi très particulier, c'est que parce que le statut, le comptage, le nombre, le fait qu'on soit co-signataire d'un certain nombre d'accords, je pense que c'est bien, mais, et moi je suis assez fière du coup de la rénovation qu'on a pu faire, parce que sinon, au fond, ça crispe et ça sclérose énormément, et du coup, ça rend le dialogue social, parfois, je pense, ça le rendait moins pertinent dans l'état où on était du monde que ce qu'on a réussi à faire après. Donc, conclusion. Il y a des ministres de l'administration dans d'autres pays. Il y a très peu de ministres en fait, qui font des ressources humaines, comme on le dit dans le langage moderne. Il n'y a pas de statut ailleurs. On ne peut donc pas compter. Et beaucoup de ministres ont en fait, des fonctions qui, si on regarde le cabinet office, ça mélange le SGG, le budget et notre ministre de la fonction publique. Ce qui d'ailleurs, ça va être peut-être que vous aborderez, rend le rôle du Premier ministre dans ces pays-là en fait, assez différent de ce qu'est le nôtre. Donc ça, c'était, je pense, une introduction, parce que la question qu'on m'a posée, c'est à quoi, comment et qui sert un ministre de la fonction publique ? Donc déjà, nous, en France, on est quand même un animal bizarre. Deuxième élément, je voulais revenir sur le ministère qui était le mien, parce qu'il s'appelait le ministère de la transformation et de la fonction publique. Et j'étais très intéressée de ce que vous avez dit sur que vous vouliez aussi vous occuper des usagers. Parce que, alors, le ministère qui, du coup, a été créé en juillet 2020, il a été assez unique, parce que c'était un ministère d'abord de plein exercice. C'était un ministère qui, et c'est toujours, après quelques péripéties récentes, un ministère qui a mis sous le même toit trois directions et en fond trois politiques publiques et trois ambitions qui jusque-là n'avaient jamais été réunies. Parce que je peux vous dire que la première réunion que j'ai faite juste après le premier Conseil des ministres, avec les trois directeurs, les trois blocs, je vais y revenir, sur une table de jardin, puisque le ministère était en train d'être vidé de ses meubles pour être re-rempli de meubles, le précédent occupant des lieux ayant, ministère des Relations au Parlement, réinvesti son hôtel particulier du Châtelet. Donc, pas du Châtelet, des Relations au Parlement, qui est rue de Varennes, là. Bref, donc je les ai reçus sur une table de jardin, et en fait, je me suis rendu compte que ces gens ne se connaissaient honnêtement pas bien, voire, si on peut être honnête, pas. Donc, je prenais la tête d'un groupe de fonctionnaires, 700 personnes quand même, trois directions, la DGFP, ça c'est logique, c'est normal, la direction, ce qui s'appelle maintenant la direction interministérielle de la transformation publique, qui est au fond exactement ce que vous avez dit sur la relation aux usagers. Dans le secteur privé, on appellera ça un peu le marketing, c'est-à-dire au fond comment on accède et comment on organise les fonctions administratives pour qu'au fond l'usager s'y retrouve et comprenne. Et aussi que les agents aient un peu une vision sur le fait qu'ils ont un travail qui doit être tourné vers l'extérieur de l'administration. Et puis, troisième direction, et ça c'était très nouveau, c'est le numérique. Et pourquoi c'était essentiel d'avoir le numérique? Parce que le numérique, c'est deux choses, c'est comme une pièce à deux facettes. C'est l'outil de travail des agents, aujourd'hui, et c'est le canal d'accès pour beaucoup de Français aux services publics aujourd'hui. Autant Direction interministérielle de la transformation publique et fonction publique avaient été d'ailleurs ensemble avec Olivier Dussopt, et depuis que ça existe, pas très très longtemps, mais c'était quand même souvent mis ensemble. Là où l'ajout du numérique était très important, parce qu'il était précédemment rattaché au Premier ministre, c'était que ça permettait de donner une cohérence, un triangle, entre l'agent, l'usager et l'outil. Et ensuite, mon ministère s'est agrandi, puisqu'on y a ajouté la tutelle de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, donc au fond, la gestion des cadres supérieurs de l'État. Et moi, j'aurais bien voulu rajouter de la territoriale et de l'hospitalière, mais ça, ça a été un tabou que je n'ai pas encore réussi, enfin, que je n'ai pas, moi, réussi à franchir. Et l'INSP, donc, une tutelle plus directe sur la nouvelle ENA, qui, là aussi, a été historiquement toujours attachée au Premier ministre, et le ministre de la fonction publique, avant que ce soit moi, clairement, on leur avait tous dit, s'il y a bien un truc dont tu ne t'occupes pas, c'est ça. Parce que ça, c'est quand même le domaine réservé de la nomination présidentielle, ça, c'est des affaires importantes. Moyennant, le reste était beaucoup moins. Donc, cette équipe-là, à la fois la transformation des méthodes administratives, de la relation usager et des agents, le contexte de création de ce ministère, il y a une part d'anecdotique que je raconterai après, il y a une part de politique. Et la politique, c'était qu'on sortait du Covid. Et là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le rôle du ministre de la fonction publique dépend beaucoup du contexte et de l'état du pays. À ce moment-là, juillet 2020, bon, l'objectif, c'était deux choses. C'était les Français et c'était nouveau. Quand même collectivement, c'était rendu compte, parce que le discours ambiant n'avait pas toujours aidé, que c'était quand même pas mal d'avoir un État et un État avec des agents et des agents bien formés et des agents engagés et des agents disponibles, parce qu'on s'était bien rendu compte que pendant 3 mois, bah, que sans eux, il ne serait pas passé grand-chose, voilà, il serait passé des choses encore plus graves que ce qui s'était passé, mais que, et ça avait aussi révélé ça, pour être très honnête, il y avait quand même des pans entiers des services publics qui s'étaient arrêtés, il y avait beaucoup de réorganisations à faire, il y avait une continuité qui avait été assurée sur les fonctions essentielles, mais moins dans d'autres cas, et que donc il fallait quand même qu'on se réorganise, parce qu'on ne savait pas combien de temps allait durer cette pandémie, d'une part, et deuxièmement, qu'on avait quand même vu, par cet épisode de crise, des choses qu'il fallait urgemment réformer et des choses qu'il fallait urgemment protéger. Et donc, l'idée, c'était d'en faire un ministère politique. En tout cas, c'était mon ambition et c'était la discussion que j'avais avec Jean Castex avant ma nomination, sur laquelle je reviendrai. Et donc, pour moi, ce ministère, j'en ai fait un ministère politique. Avec, je dois dire, un certain sarcasme de certains de mes collègues qui m'avaient dit « Toi, de toute façon, t'as un ministère qui est tout sauf politique. » Et moi, j'ai la conviction qu'il est surtout politique. Alors, pour le rendre politique, j'ai eu un peu un deal implicite avec Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, le président lui-même et le Premier ministre. D'abord, de s'installer ailleurs qu'à Bercy, parce qu'au départ, il y avait des gens qui voulaient m'installer à Bercy, j'ai dit ça, c'est hors de question. Parce que si je suis à Bercy, je vais être vu comme un ministre budgétaire, et deuxièmement, puisque vous m'avez mis ministre de plein exercice, je ne demande pas grand-chose, mais c'est vrai que s'il pouvait y avoir un peu de dorure, ce serait formidable. Alors, on a retrouvé la rue de Grenelle, ministère qui est bien connu de la fonction publique, parce qu'il a été épisodiquement occupé par certains de nos intermédiaires et prédécesseurs. Et la deuxième chose que j'ai demandé, c'est que, au départ, je ne l'ai pas demandé formellement, mais ensuite, quand j'ai eu besoin, c'est qu'on ait des points en Conseil des ministres sur les sujets que je portais. Notamment dans une partie du Conseil des ministres qui s'est appelée la partie soit résultat, c'est comme ça qu'on l'appelait, la partie E de mémoire, où je présentais un certain nombre d'autres outils, notamment le baromètre des résultats de l'action publique, qui était une façon de voir ce que, au fond, les agents, par leur travail, produisaient sur des sujets extrêmement concrets, en sortant d'une vision juridique et passant plutôt à une vision de résultat. Mais je parlais pendant ces moments-là, j'amenais très régulièrement, je prenais la parole très régulièrement, souvent de concert avec le président de la République, à qui j'expliquais que j'avais besoin que je présente quelque chose à l'ensemble du Conseil des ministres pour qu'ils puissent me soutenir. C'est comme ça le deal politique, et donc d'en faire un sujet visible au Conseil des ministres, au-delà des textes. Parce que moi, en fait, je n'ai fait aucune action législative, puisque tout ce que j'ai mené dépendait d'un texte qui avait été voté par préparé et fait voter par mon prédécesseur Olivier Dussopt, qui avait ouvert un certain nombre d'options d'ordonnance, et moi, j'étais plutôt en phase d'application. Et du coup, je parlais au Conseil des ministres sans avoir de texte. sauf le texte de la fonction publique, qui était législatif, mais qui ne s'appuyait pas sur un vote, puisqu'il découlait du vote précédent de la loi 2019. Deuxième chose, pourquoi c'est devenu un outil politique, parce que moi j'ai bénéficié, je tiens vraiment à le souligner là, si vous avez parlé de votre relation avec Pierre Mauroy, moi j'ai une excellente relation avec Jean Castex. Jean Castex, qui était un très grand connaisseur de l'administration, Cour des comptes, on sait, très ancré dans le réel de l'exécution, de la matière administrative, avec pour lui un enjeu qui était gérer le Covid, et donc il avait besoin de moi, parce qu'il avait besoin des agents publics, et puis relancer le pays, il avait besoin de moi, parce qu'il avait besoin que l'administration se mette au service de la relance. Et donc on a créé un duo très proche, avec beaucoup de petits déjeuners le samedi matin, et on prenait un bon croissant avec Nicolas Revel et mon directeur de cabinet, et on a vraiment fait un très bon tandem sur de très très nombreux sujets. Et donc je pense que le côté outil politique tenait, au fait que le président de la République lui-même avait accepté, au fond, d'y dédier du temps par l'entremise du temps qu'il laissait au Conseil des ministres et par, du coup, les messages qu'il faisait passer, et parce que le Premier ministre avait cette fibre, cet intérêt et ce besoin. Parce qu'il n'y avait pas de gestion du Covid, il n'y avait pas de relance sans la fonction publique. Alors, moi, la mission et, au fond, à quoi ça sert, pour moi, j'en ai noté trois, mais il y en a plein d'autres. Et là, je prends plutôt la partie vraiment agent public, fonction publique, que j'ai toujours, en tout cas, rattachée aux deux autres jambes. Donc, les outils numériques, la modernisation des outils de travail qui vont avec les conditions de travail. Et puis, de l'autre, la relation usager. Pour moi, la première des missions, c'était de redonner du sens aux agents. C'est-à-dire redonner une forme de fierté, de valorisation. J'y reviendrai parce que, pour moi, un des premiers défis qu'il y avait à gérer, c'était le sujet de l'attractivité. Je passe sur la remarque d'un de mes collègues qui m'a dit « Tu vas quand même pas faire une campagne de promotion de la fonction publique ?» Je lui ai dit « C'est pas de la promotion, mais c'est que si je le fais pas un petit peu et qu'il n'y a plus personne dans les hôpitaux, qu'il n'y a plus personne dans les écoles et qu'il n'y a plus personne dans les commissariats, ça va être un problème au-delà du fameux nombre de fonctionnaires. » Ce qui voulait dire, au fond, porter un discours qui sort de la caricature, feignante, entre ceux qui sont clientélistes, c'est-à-dire vendre du miel sans s'occuper de rien ou compter le nombre de fonctionnaires pour leur réduire le nombre, mais qui n'apporte rien non plus. Donc, c'était trouver, au fond, un discours de ligne de crête qui, pour moi, était audible vis-à-vis du grand public si j'étais aussi capable de reconnaître, avec une forme d'exigence et d'honnêteté, qu'il y avait aussi des endroits et des sujets sur lesquels on a besoin d'être plus performant, d'avoir une meilleure qualité de service et, au fond, d'avoir un discours équilibré. Et je pense qu'on a réussi pendant quelques mois, semestres, à tenir cette ligne, qui était une ligne non ni complaisante ou clientéliste. Donc, c'est pas « tout est formidable et je les défends en bloc et je défends un corps constitué comme si c'était un espèce de monolithe », mais ni non plus un discours de, comment dire en français, non français, de bashing, donc de dénigrement permanent, qui n'aurait pas aidé non plus. Donc ça, c'était pour moi la première mission, c'était d'abord de porter un discours et de redonner du sens et une forme de fierté et de valorisation aussi aux agents, ça c'était pour moi la première mission. Deuxième mission, c'était aussi de donner un cadre. Et ça reprend beaucoup de ce que vous avez dit. Donc d'abord, un cadre aux employeurs. Les employeurs, du coup, depuis 1983, ils sont nombreux, ils sont divers. Donc un cadre sur, par exemple, le traitement minimum. Parce qu'à force des grilles, etc., de rappeler que... parce qu'il y avait quand même beaucoup de collectivités, beaucoup de maniements de la grille où, vous savez, on payait moins que le SMIC, et puis on rattrapait 15 mois après, à la fin de l'année. Bon, on l'a mis, par du décret en Conseil des ministres. Et donc, traitement minimum, c'est donner un cadre aux employeurs, il y a un traitement minimum qui s'impose. Deuxième cadre qu'on a beaucoup négocié, qui était la protection sociale complémentaire. Très dur. L'hospitalière est en train, je crois, doucement, de se dire qu'il faudrait peut-être quand même payer la mutuelle à 50% de ses agents. Avec cette espèce de fantasme qui ne marche qu'à un peu la PHP, je suis très libre, même si c'est un podcast, j'assumerai, je l'ai dit plusieurs fois, que pendant la révolte des Gilets jaunes, un des éléments qui est beaucoup remonté, c'est qu'il y avait beaucoup d'agents publics, femmes notamment, qui ne se soignaient pas et qui ne soignaient pas leurs enfants, parce que la protection sociale complémentaire était coûteuse, et qu'en fond, les seules personnes qui payent vraiment de leur poche, qui payaient vraiment leur poche 100% de leur mutuelle, c'est les retraités et les agents publics. Et que ça, c'était quand même une très grande bizarrerie. Alors moi, je viens de du secteur privé, et je trouvais que c'était quand même très très étrange qu'on en soit toujours là. Alors, il y a eu à négocier avec les mutuelles, qui sont elles-mêmes des mutuelles de fonctionnaires, donc gérées par les fonctionnaires. Il y a eu à gérer les enjeux budgétaires. Mais au fond, sur la protection sociale complémentaire, honnêtement, je dois dire que le sujet budgétaire n'a jamais été un frein. Alors, évidemment, on n'allait pas offrir des choses absolument... Mais je crois pouvoir dire, sous contrôle de ceux qui ont participé à la négociation, que le sujet était finalement plus compliqué avec les mutuelles de fonctionnaires qu'avec la direction du budget. Autre cadre qu'on a créé, c'est le cadre de l'apprentissage. Quelles sont, pour les employeurs, les règles d'apprentissage ? Les stages. Tu vas penser que le minimum de paiement des stages, c'est vraiment le minimum vital, parce qu'on n'est quand même pas très large. Donc donner un cadre aux employeurs, donner un cadre aux agents, je pense notamment à tout le sujet de la laïcité, qui est très clairement établi dans les différents statuts, mais notamment 83. Je rappelle que moi, j'ai été ministre de la fonction publique quand Samuel Paty a été horriblement tué, ce qui était d'ailleurs un moment très marquant de l'exercice de mes fonctions. Et donc, oui, redonner un cadre sur la laïcité, c'était aussi un cadre, du coup, là, plutôt pour les agents eux-mêmes. Et puis, redonner un cadre aux services publics. Et on a notamment, pendant le Covid, moi, j'ai simplifié énormément les priorités que les services publics et les encadrants et les agents devaient avoir en tête sur ce qu'on leur demandait. Parce que chacun y allait de... il y a eu le premier confinement, puis après il y a eu le deuxième confinement, puis après il y a eu les demi-confinements, puis après il y a eu les couvre-feux. Bon, et puis je trouvais que c'était, y compris pour moi, quand je devais aller au conseil de défense donner un peu un point d'étape sur ce qui se passait dans les services publics, j'avais du mal au départ à organiser mon propos. Parce que j'avais des remontées complètement disparates sur énormément de paramètres et qui ne m'aidaient pas. Donc du coup, on a établi assez vite un peu une charte. Alors on n'a pas fait appel à des universitaires, on est là, pour, comme dirait le président Mitterrand, partie de la vie quotidienne. Et on a défini 5 priorités. Et on a dit, voilà, l'ensemble de l'administration. Donc là, c'était un vrai rôle de fixer un cadre. Hein. L'ensemble de l'administration, des hôpitaux, des collectivités. Alors au départ, on l'a surtout appliqué aux administrations pilotées par l'État, mais l'idée, c'était que ça, si possible, s'applique également dans les collectivités libres administrées. C'était de dire, un, les lieux de services publics sont des lieux sûrs. On ne se contamine pas dans les lieux, ni pour les agents, ni pour ceux qui rendent visite. Ça, c'était quand même une première priorité. Deuxième cadre dans ce Covid, c'était les lieux donc, sont ouverts. Il n'y a pas porte fermée, porte close, merci de revenir plus tard. Troisièmement, on a une conscience collective forte sur les personnes les plus éloignées, les plus fragiles, qui peut-être ne peuvent pas se déplacer. Donc on a lancé à ce moment-là ce qu'on appelle l'administration proactive, c'est-à-dire qu'on a incité pas mal de services publics à appeler des gens qui, peut-être par crainte ou par maladie, n'allaient pas se déplacer, mais qui du coup allaient avoir une rupture d'accès aux services publics. Quatrième élément, c'était l'élément des délais. Il ne fallait pas que le Covid soit un prétexte ou une cause de ralentissement du traitement. Et il y avait le sujet du téléphone. Donc, il fallait que ça soit sûr, ouvert, accessible par d'autres moyens, pas de délai et proactif, donc avec un souci des... Et en fait, avec ces 5 principes-là, on avait donc du coup des indicateurs assez simples, entre guillemets, à suivre. Et moi, ça m'a permis de faire peut-être quelque chose qui était assez nouveau. C'est qu'on a quand même beaucoup de services publics aujourd'hui qui sont en fait en dehors du statut, puisque ce sont des agences, ce sont... Il y a eu une fragmentation quand même du service public par rapport à ce que vous avez vécu, qui était quand même à l'époque géré en ligne directe par les ministères, mais qu'entre Pôle emploi, tous les grands services publics, les impôts, on a une forme d'harmonisation, une forme d'homogénéité dans la promesse qu'on faisait aux citoyens. Dernier point de l'ambition qui était la mienne, donc après redonner du sens, donner un cadre, c'était pour moi de donner une forme d'impulsion pour que les institutions, au fond, c'est de facto un cadre institutionnel, et que les structures qui sont celles de l'administration et des services publics ne se figent pas à un moment où le monde bougeait beaucoup. Et donc, faire un peu le parallèle, vous avez cité qu'il y avait eu un cadre fondateur, un statut, quelques mots sur les différentes étapes. Fondateur, continuateur, fédérateur. Moi, je voudrais bien, si je veux prendre un mot à mon compte, ce serait rénovateur. Et donc, au fond, de dire, bon, voilà, le monde bouge, il y a des choses qu'il faut garder, mais comment on évite la sclérose et comment on renforce la pertinence? Et ça, ça demandait une forme d'impulsion. Ça, c'est des choses qui sont... En fait, ils sont assez disséminés. Individuellement, les agents, ils sont assez pour la pertinence et ils sont assez contre la sclérose. Mais s'ils ne le sont qu'à titre individuel, c'est extrêmement difficile, vu le nombre et la structure et l'institutionnalisation des choses, que ça évolue. Et comme la fonction publique, elle est au cœur du contrat national, l'idée, c'était de donner une réponse aux citoyens en disant, bah, vous vous rendez bien compte, vous, citoyens, que le monde change. Vous avez, en fond, entre le concept de l'État et de la République et vous-même, les gens, qui s'appellent les agents publics, une administration qui est organisée, comment, au fond, on la fait évoluer? Alors, dans l'impulsion, il y a des choses qui sont un peu de l'ordre du rattrapage du secteur privé. Je pense, par exemple, au logement. On n'a pas Action Logement dans la fonction publique. Et comme on n'a pas Action Logement, on a quand même beaucoup de difficultés. Donc là, j'ai essayé d'impulser quelque chose qui se déploie finalement pas trop mal depuis, je trouve, qui est une réflexion sur, dans les territoires où les gens viennent moins, c'est peut-être parce qu'il y a un sujet de logement, et le seul levier financier ne suffit pas. Et donc, comment on a une priorité dans l'accès au logement social, comment on a une priorité dans... C'était une forme d'impulsion, et ça, je pense, c'était une mise à jour nécessaire. Après, il y a un sujet où, pour le coup, on a été en avance du secteur privé, et d'ailleurs, on a plutôt été, et c'était assez nouveau, j'étais très fier, en fait, assez moteur pour le secteur privé, c'est le télétravail. Puisque nous avons, à l'unanimité, négocié et signé le premier accord cadre sur le télétravail pour la fonction publique de l'État, qui a, et je dois dire, été un moment extrêmement intéressant, puisqu'en fait, quand vous définissez le télétravail, vous finissez par définir le travail, et on a défini du coup un cadre, je pense, très équilibré, qui du coup marche, je crois, toujours très bien, qui disait qu'on ne pouvait pas faire du télétravail à 100%, par exemple, qu'il fallait s'assurer que le dialogue social continue de fonctionner, qu'il fallait s'assurer de l'égalité homme-femme, en gros pas les femmes devant des ordinateurs à la maison qui s'occupent de tout pendant que ces messieurs font des réunions où ils prennent des décisions importantes, eux, n'est-ce pas? Et ça a été un travail intéressant, qu'on a fait pas mal de comparaisons internationales sur aussi le niveau de rémunération, compensation. Ça, c'était un moment d'impulsion, peut-être pas d'innovation, mais qui était intéressant. Autre exemple d'impulsion, France Service. Modèle très innovant. Les collectivités, au fond, offrent des lieux où des agents publics, plutôt en général rattachés à des collectivités, mais pas toujours, ou parfois des structures associatives, offrent cette espèce de bureau d'entrée partagé entre 9 services publics qui sont parfois des administrations, parfois des agences, parfois des services locaux. Et ça, c'était aussi une forme de rénovation assez profonde du visage de la fonction publique et aussi de sujet RH nouveau. Puisque c'était une forme de partage et de mutualisation de moyens qui était très, très, très innovant. Ça, c'était aussi une impulsion que j'ai été particulièrement fière de mener, et puis surtout celle sur la haute fonction publique. On pourrait y revenir plus en détail, mais cette réforme de la haute fonction publique, ma première conviction, c'est que la fonction publique n'est pas un monument. Et j'ai eu l'impression parfois que j'étais en train de déboulonner les statuts, pas avec un T, mais avec un E, et que j'étais en train de toucher un... Et moi, je disais souvent aux gens, enfin, à partir du moment où des cadres de gestion humaine sont vus comme des statues de pierre, c'est qu'on est en train d'oublier à quoi ça sert. Et bon, je suis ici à Sciences Po. Les hommes et les femmes, les cadres supérieurs, ils sont d'abord au service d'un pays. Et un pays change. Et donc, si on fige l'intégralité de la gestion des cadres supérieurs, il ne faut pas se demander ensuite pourquoi les institutions, les administrations ont du mal à évoluer. Et donc, l'idée de cette réforme, c'était un triangle assez intéressant entre le Premier ministre, le Président de la République et moi-même, c'est qu'au fond, nous trois, on avait des ambitions pour ce texte et cette réforme un peu différentes et assez complémentaires. Moi, je pense que ma première boussole, c'était comment je redonne de l'attractivité. Et au fond, c'est comment la jeunesse de 2020 a de nouveau envie de servir son pays. Grand paradoxe, parce que quand vous interrogez la jeunesse, la première chose qu'ils vous disent, c'est qu'ils veulent être utiles, ils veulent s'occuper des grands défis, du climat, des enjeux sociaux. Mais ça se traduisait de moins en moins par l'idée de servir son pays. Donc pour moi, c'était vraiment le premier moteur. Et je dois dire qu'en ce moment, jamais eu autant de candidats à l'INSP que depuis près de 25 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. jamais eu dans ces murs à Sciences Po autant de préparationnaires, et j'y reviendrai, jamais eu de préparationnaires aussi nombreux en dehors de Paris, notamment par les classes talents. Donc ça, c'était mon moteur, et je dois dire que d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Évidemment, générations plus anciennes, n'ayant pas ce moteur, ne comprenaient pas pourquoi on prenait beaucoup des décisions qu'on a prises, puisque ce n'était pas leur époque ni leur monde, et ils n'étaient pas en train de passer les concours, mais ça, c'était mon moteur personnel. Jean Castex, son moteur à lui dans la réforme, c'était la proximité. C'est comment on redonne dans les carrières des hauts fonctionnaires un primat au travail le plus possible en prise avec l'exécution. Alors, l'exécution, ça peut être conduire un grand projet ministériel de transformation, ça peut être des enjeux de terrain. Donc, c'est de proximité avec les Français, de proximité avec les enjeux. Et donc, c'est tout ce qui a amené à la mobilité, au début de carrière différent, et aux accélérations de carrière de ceux qui prennent des emplois d'exécution. Et le président de la République, lui, son prisme, c'était mettre fin au corporatisme et au fond qu'on évite que la fonction publique soit capturée dans sa gestion et donc dans sa conduite par un petit groupe très loin, au fond, de l'adéquation démocratique. Pourquoi on donne un pouvoir de nomination au président de la République et au Premier ministre dans certains cas ? Pas parce qu'on a une vision royaliste, parce qu'on considère qu'au fond, il y a quand même une légitimité démocratique, il faut que le pouvoir politique puisse quand même avoir une forme de maîtrise de l'administration. Alors, ça revient un peu à ce que vous disiez au statut carcan, un peu. La manière dont on a organisé les choses, c'est qu'on a quand même mis beaucoup de contre-pouvoirs, beaucoup de collectifs, beaucoup d'interministériels, pour qu'il y ait quand même aussi quand même une valorisation des hommes, des femmes et de leurs valeurs personnelles. Mais voilà, en gros, un peu l'équilibre. Voilà. Et puis moi, je trouvais que symboliquement, l'École nationale d'administration devienne l'Institut national du service public, c'était pas qu'un changement de lexique. C'était aussi un changement un peu de vision. L'administration renvoie quand même beaucoup à l'idée du droit. Donc oui, il faut créer du droit, il faut créer de l'égalité. Le service public, c'est un service. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le statut 46, le mot service public, il apparaît beaucoup plus que ce que beaucoup de gens ont redécouvert. Et qu'au fond, l'INSP, c'est le nom que les gens ont trouvé barbare, en fait, il s'appuyait sur un corpus juridique ancien. Et donc, c'était utile. Je vais finir en disant, au fond, pour être ministre de la fonction publique, il faut des alliés. Et on n'est jamais ministre tout seul. Et même si le décorum vous donne l'impression que voilà, vous êtes là pour décider, s'il y a bien un ministère où vous ne décidez pas ou pas grand-chose seul, c'est bien celui-là. Alors, j'ai noté un certain nombre d'alliés nécessaires. Je commence par les agents eux-mêmes. Que je pense qu'être ministre de la fonction publique contre les agents de la fonction publique du matin au soir, sur tous les sujets, sur tous les angles, je pense que ça ne marche pas. Dans les agents, il y a les cadres de la fonction publique. Et ça, je pense que c'est peut-être les premiers alliés. C'est qu'ils sont aussi là pour, au fond, relayer et faire appliquer non pas seulement la lettre de ce qu'on écrit, mais l'esprit de ce qu'on écrit. Et donc, on a beaucoup besoin d'eux. Je vais en venir aux syndicats. Je vais en reparler un peu plus longuement. Il y a les autres ministres qui sont des alliés. Il y a les autres employeurs. Et il faut avoir une relation avec tous ces acteurs-là importante. Les autres ministres, c'est d'être capable, au fond, de trouver une forme d'équilibre entre étant le ministre aiguillon, celui qui va pousser les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, ou à passer du temps sur un sujet sur lequel ils n'ont pas envie forcément d'être eux-mêmes dans la négociation dans leur propre ministère, mais c'est aussi être un facilitateur. J'ai souvenir, par exemple, d'Éric Dupond-Moretti m'appelant déjà à l'époque sur la pénitentiaire en me disant, au fond, j'ai besoin que tu ailles m'aider parce qu'au ministère du budget, ils n'ont pas bien compris ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire pour des bonnes raisons. Donc là, on est plutôt un ministère de service aux autres ministres. Parfois, on est un ministère aiguillon. Parfois, on force un peu. Je pensais par exemple au ministère de l'Éducation nationale. Oui, on a encouragé plein de choses à s'y passer que beaucoup de gens à l'Éducation nationale n'avaient pas forcément au départ très envie de faire par eux-mêmes. Et puis, c'est aussi un équilibre du coup, entre la promotion et la pression. On est aussi un ministère qui peut mettre en valeur des choses, ou on peut être un ministère, je pense à la table du Conseil des ministres, certains de mes collègues ils trouvaient que j'étais un peu pénible parce que je montrais qu'il y avait des endroits où ça avançait, des promotions, puis il y avait des endroits où ça avançait pas, pression. Donc ça voilà, c'est des alliés, mais c'est un construit complexe. Il y a les citoyens, je pense qu'ils sont des alliés. Et je trouve quand même qu'ils ont un regard collectivement exigeant, on le voit dans les baromètres de confiance, etc. Mais je pense qu'ils ont un regard qui est aujourd'hui moins caricatural et moins stéréotypé qu'ils n'ont pu l'avoir, notamment quand la parole politique elle-même participait au dénigrement des personnes. Sur les syndicats, moi j'ai essayé de construire une forme de ce que j'appelle relation saine, c'est-à-dire une relation qui soit fondée sur les objectifs. Donc ni copinage, ni antagonisme, mais travail. Et je crois que c'était vraiment mon objectif, c'était que on soit dans une relation focalisée collectivement sur ce qu'on voulait faire ensemble. Et ça m'a amené à innover, dans le cadre notamment de cette dialogue social réformé, en signant des accords de méthode. Et on négociait beaucoup plus, en fait, l'accord de méthode que, in fine, peut-être le contenu de l'accord, in fine. Parce que l'accord de méthode, ça permettait de se dire, voilà, de donner de la prévisibilité, de séquencer les travaux, de donner une forme de temporalité, et du coup, je pense, de créer une forme de cadre bordé sur de quoi on allait parler, comment, de ce qu'on n'allait pas traiter, ce qui permettait aussi pour moi d'éviter que toutes les discussions soient une discussion sous point d'indice, par exemple, parce que ça aurait pas été très, très, très productif. Mais inversement, quand moi j'ai lancé ce qui était la réflexion quand même sur le cadre de rémunération, parce que j'ai eu certes à annoncer le dégel du point d'indice en mars 22, dans une année très inflationniste, mais avec le sentiment que, j'avais quand même fait passer au Conseil des ministres plusieurs fois une forme de traitement au minimum, on annonçait le dégel, mais que la structure de rémunération était quand même assez peu satisfaisante et que des années successives d'ajout d'indemnitaires, de rognement des grilles par le bas, tout ça était quand même un peu usé et qu'il fallait probablement aller plus loin, donc il y a eu un grand travail qui a été mené. Je finirai en disant plusieurs choses. Donc on a dit on a des alliés. Je pense qu'il y a plusieurs risques. Bon. Il y a le risque de devenir le ministre du droit. Il faut connaître le droit, mais un ministre de la fonction publique, c'est pas le juriste en chef de la fonction publique. Et si on devient ça, je pense qu'on perd notre rôle politique, j'insiste à nouveau sur ce plan, et je pense qu'on ne sert ni des agents qui ne comprennent pas bien comment ça marche. Après, moi j'étais très contente, par exemple, de pousser la codification, la recodification du statut. Là, c'est du droit, mais c'était une partie de mon action, c'était pas l'intégralité de ce que je faisais. L'équilibre, j'ai dit, de la relation avec les autres ministres, ça, c'est un risque. Parce qu'on peut être vu comme le syndicaliste des ministères, ça, je pense qu'on perd beaucoup aussi en capacité de faire, et inversement, on peut être aussi vu comme celui qui empêche qui passe son temps à taper sur les autres, et ça aide pas non plus. Donc ça, garder un équilibre dans sa relation aux autres ministres, c'est compliqué. Ne pas non plus être le ministre du budget, parce que si vous êtes le ministre du budget, vous êtes le ministre des coûts. Parce qu'au fond, vous êtes le ministre de la facture. Parce que les agents, à la fin, c'est ce qui coûte cher à l'État. On a un budget d'investissement, mais on a surtout un budget de fonctionnement. Et donc, il faut évidemment, comme vous avez dit, il y a une forme de ritualité. Et dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, il y a une ritualité quand même des enjeux salariaux. Mais si on ne s'occupe que de ça, je pense qu'on est... Ou si on n'est que le porte-voix des revendication salariale, je pense que vis-à-vis du ministère du budget et de l'économie, on devient un opposant plus qu'un partenaire politique. Et puis, dernier point, le risque, c'est qu'on se devienne un ministère désancré. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à... je pense qu'une partie de la réussite des négociations que j'ai menées tenait à ça, à faire beaucoup d'observations. Certains vous disent qu'il faut être des ministres de terrain. Le terrain, pour moi, ça voulait dire aller sur les lieux de travail, écouter, mais surtout observer. Comprendre les dynamiques managériales, comprendre les enjeux de conditions de travail. La question que je posais toujours aux gens, c'est où est-ce que vous habitez, combien de temps vous mettez pour venir travailler. Et ça, c'était pour moi des questions extrêmement... Sur le télétravail, j'ai passé beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, il y avait beaucoup d'agents qui n'avaient pas d'ordinateur adapté. Moi, j'ai remis un ordinateur, Itineo, mais un truc comme ça, dans une préfecture, la dame était émue parce qu'elle m'a dit, vous savez, avec cet outil de travail, je vais être fière de rentrer chez moi parce que j'aurai un outil de travail qui sera comme celui, en gros, de mon mari vis-à-vis de mes enfants. Je serai, en fait, une femme dans le temps d'aujourd'hui. Et toutes ces rencontres-là, alors je peux vous donner, j'ai des souvenirs très précis d'un centre technique dans une commune, d'une cantine dans un hôpital en Bretagne, donc dans cette préfecture, la remise des ordinateurs. Ces moments-là, sans en faire du pathos, et j'en ai rarement fait du pathos, mais si vous ne faites pas ce travail d'ancrage dans la réalité des lieux de travail, des conditions de travail, des enjeux vécues par les agents. Je pense qu'une partie de ce qu'on raconte devient totalement insipide et je pense qu'on ne réussit pas ces négociations. Et je veux dire qu'il y a une forme de un certain nombre de négociations que j'ai réussi à mener parce qu'à un moment donné, quand je disais que le débat qu'on était en train d'avoir à la table syndicale me semblait totalement orthogonal et déconnecté de ce que j'avais vu la semaine d'avant, le mois d'avant ou un trimestre avant dans un lieu où on présentait des problèmes réels, en général, ça permettait d'avancer. Parce que les gens ne pouvaient pas contredire le fait qu'ils savaient eux aussi que c'était bien ça qu'on disait, comme on dit, sur le terrain, et que les débats un peu conceptuels ou théoriques qu'on était parfois en train d'avoir n'allaient pas emmener loin. Conclusion, c'est un ministère politique à incarner comme tel, qui est au cœur de la République, et je crois que c'est un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé jusqu'à maintenant, mais qui pour moi compte beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de modèle. Comme vous l'avez dit, ça dépend beaucoup du contexte, du moment et des besoins. Qu'on a une chance, et c'est intéressant parce que c'est très lié à ce que vous avez dit, qu'on a une histoire et qu'on a une mémoire. Et je pense que ça nous leste, et c'est bien dans des fonctions publiques, enfin politiques, d'avoir être ancré aussi, non pas seulement dans la réalité quotidienne et le terrain, mais être ancré aussi dans une forme de permanence. Que la chance aussi, c'est que effectivement la promesse républicaine, elle est au cœur de ce qu'est la fonction publique. Et pour moi, la plus grande fierté, je crois, d'un projet que j'ai mené, c'est celle des classes talents, d'ouvrir des classes préparatoires au concours de la fonction publique supérieure et haute fonction publique à l'IRA de Lyon, et de rencontrer toute une nouvelle génération de jeunes femmes, notamment, qui veulent rendre à leur pays ce qu'elles pensent que leur pays a apporté, notamment à leur famille, beaucoup de troisième génération d'immigrés. Très en parallèle avec ce qu'était l'ENA de 46, où on avait beaucoup de fils de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs, et pas une haute bourgeoisie à l'époque. De résistants aussi, beaucoup d'enfants de résistants qui étaient à l'époque. De retrouver cette promesse-là et ce lien-là, pour moi, c'était une des plus grandes fiertés. Bon, le défi, c'est quand même de continuer à savoir se transformer, et je dis transformer, pas réformer. Réformer, il y a des vaches de réforme, en général, c'est pas les meilleures. Hein. Donc, je pense que le but, c'est pas de revenir en arrière, c'est d'être capable de garder une forme de continuité dans l'évolution, et de rester un cadre qui soit un cadre de pertinence, proche, simple, efficace, au sens de capable de répondre aux enjeux de notre temps, et que c'est la base de la confiance, en fait, démocratique. Et moi, je pense qu'il y a une partie de la défiance démocratique qui peut être combattue, alors pas en intégralité, on va passer à des questions peut-être plus institutionnelles, mais par la capacité à rendre très pertinent, non pas seulement les services publics, mais aussi les agents publics. Et mon mot de la fin, c'est que moi, je suis très fier qu'on ait porté pendant le quinquennat précédent le droit à l'erreur. Mais je pense qu'il nous a manqué le miroir, et que je vais essayer d'incarner, mais qui est difficile à faire vivre par un texte, mais qui est le devoir de confiance. Vous ne pouvez pas demander à un agent public d'accepter que le citoyen ait fait une erreur de bonne foi si vous ne lui donnez pas une forme de confiance absolue vis-à-vis de sa hiérarchie qui va faire bien et qui va être responsable. Et pour faire le lien avec votre époque, François de Clauset, un jour, est venu me voir et m'a remis le rapport qu'il avait fait avec le plan qui s'appelait le pari, je crois, de la responsabilité. Et ça a dû être une phase complexe pour vous, parce que François de Clauset était de ceux qui disaient « rien ne va, rien ne marche », etc. Et je comprends que Pierre Mauroy lui avait dit « écoutez, venez me voir, écoutez voir Premier ministre, il lui dit « écoutez, vos heures et vos heures médiatiques à taper sur la fonction publique, en gros, j'en ai marre, donc je vous propose, vous savez quoi, de venir faire un travail intérieur, de regarder comment ça marche, et de me faire des propositions. » Et François de Clauset m'a remis ce rapport, qui avait pour moi beaucoup d'intérêt parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient toujours d'actualité, mais le titre de ce rapport, c'était le pari de la responsabilité. C'est au fond de faire confiance aux agents. Les agents sont des êtres, comme l'avait dit, responsables. Ils ne sont pas seulement un rouage de la machine administrative. Et que ça, je pense que c'est ce qui pourrait, dans beaucoup de cas, recréer un lien de confiance aussi avec les citoyens. Parce que s'ils ont en face d'eux des hommes et des femmes qui voient investis de la confiance de leur hiérarchie, de la confiance en fait qu'ils peuvent résoudre les problèmes avec une forme d'humanité, ben, je pense qu'on recréera beaucoup d'efficacité et beaucoup de confiance collective. Seul sujet, c'est que ça heurte la grande obsession qui, à mon avis, parfois est très contre-productive de l'égalitarisme et je ne dis pas égalité, mais de l'égalitarisme français, où beaucoup de fonctionnaires et leur hiérarchie n'ont qu'une trouille, c'est qu'en décidant quelque chose de pertinent à l'aval, ça vienne heurter l'égalitarisme de ce qui sera décidé la même journée ou la semaine suivante à Strasbourg. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a à travailler. C'est un peu la suite de la décentralisation ou de la déconcentration, c'est d'accepter que parce que notre territoire est divers, on résolve dans une logique d'objectif les choses différentes selon les moyens. Et qu'on n'oblige pas les moyens à être égaux, mais qu'on oblige plutôt les objectifs, le service qu'on rend, à être plus homogène.